L'actualité à Nancy et ailleurs. De toute matière, le marché des métiers d'art organisé par la FREMA, Fédération des métiers d'art d'Alsace, va se tenir du 28 au 30 juin sur la place de l'église à Turckheim. Ninon Dorienzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la FREMA, donc Fédération des métiers d'art d'Alsace. Troisième édition de ce rendez-vous autour des métiers d'art. Vous pouvez nous rappeler un peu pourquoi est né ce marché à Turckheim ? Oui, alors on a créé effectivement ce marché parce qu'on a voulu proposer un temps fort qui rassemble les professionnels des métiers d'art, qu'ils relèvent de la création, du patrimoine ou de la tradition. Et on voulait vraiment avoir quelque chose de festif, de convivial et surtout un moment où le public pourrait découvrir les savoir-faire à travers non seulement des objets, mais surtout à travers des démonstrations, des animations et ainsi découvrir ces gestes maîtrisés par ces hommes et ces femmes de talent. Ce rendez-vous va permettre d'assister concrètement à des mises en situation ? Oui, tout à fait. On a beaucoup de démonstrations qui se feront en continu sur les stands des professionnels, que ce soit en vitrail, en dorure, en osier, en forge, tournage sur bois, gravure sur pierre. Enfin, on a vraiment beaucoup de démonstrations tout au long du week-end, mais également des ateliers pour des initiations à certains métiers, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Et chaque année, nous avons également des animations phares, avec notamment cette année la réalisation d'un four-bouteille par Gilles Acker, qui est potier céramiste, mais aussi une sculpture collaborative entre plusieurs participants, un dragon exquis qui sera réalisé tout au long du week-end. Alors, vous avez évoqué un four-bouteille. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ? Oui, tout à fait. C'est un four qui est fabriqué à partir de bouteilles vides. Donc un assemblage de bouteilles vides et de terre. Et ensuite, le céramiste fait monter ce four en température pour ensuite y cuire des céramiques. Et à la fin du week-end, on pourra voir effectivement le résultat de ces cuissons et aussi la déformation des bouteilles de verre par le feu. Donc c'est assez impressionnant. Et puis ce qui est intéressant, c'est effectivement de venir voir ce four-bouteille pendant la nocturne, puisqu'on est vraiment sur comme un photophore géant, puisque toutes les bouteilles, donc il y aura 600 bouteilles de vin, qui vont s'illuminer grâce au feu. Il y aura une nocturne jusqu'à 22h le samedi, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y aura combien de professionnels des métiers d'art présents ce week-end-là ? Alors, ils seront une cinquantaine. Et donc là, c'est la troisième édition. Les retours du public depuis sa création ? Ça a été effectivement tout de suite un succès. C'est vrai que la ville de Turckheim est très active. Il y a beaucoup de touristes. Il y a un public qui est tout de suite mobilisé, qui a été présent. Et effectivement, du coup, de belles retombées pour les professionnels qui sont là également pour vendre leur création. Une satisfaction du public, mais aussi des exposants. Donc ça se passera sur le parvis de l'église Sainte-Anne et la salle de la Décapole, place de l'église à Turckheim. C'est ouvert à tout le monde ? Oui, oui, tout à fait. Par rapport aux ateliers, est-ce que si des personnes voudraient y participer, est-ce qu'il va être nécessaire de s'inscrire ou on fait tout sur place ? Oui, tout à fait. Il y a certains ateliers qui se font sur place et d'autres où il faut s'inscrire à l'avance, oui. Et pour cela, on va sur le site de la FREMA ? Sur le site, oui, www.frema.com. Voilà, donc c'est du 28 au 30 juin de toute matière à Turckheim, place de l'Église. Et puis, on vous retrouvera certainement plus tard pour septembre avec Trésor et d'autres rendez-vous, bien sûr, avec la FREMA. Avec plaisir. Merci beaucoup, Ninon Dorienzo. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.